Ach, inch lavens arrivera, ant nu moren anus anus, anergiain te te vasa, ampu hoven anus anus, anergiain te te vasa, ampu hoven anus anus. Aha batvez tal maravot varte tapum zarin kari shagen shogum tarikuchot shenchum burmum kiede main shagen shogum tarikuchot shenchum burmum kiede main. Ach, inch hechten zari vera, sahum jamel nanush anush, shevin pechet oviv nahal. Ach, chikuser nanush anush, shevin pechet oviv nahal. Ach, chikuser nanush anush, le le le le. Shagen shogum tarikuchot, shenchum burmum kiede main. Shagen shogum tarikuchot, shenchum burmum kiede main.